ici et j'ai trop de sap, hey. Uno nueve Colt 405. Tu tires de loin si tu fais du penchak. Little Italy man chop, hey. Juste une lettre, tu sais comment je m'appelle. La créatine, on coupe la mozzarella. J'ai l'essence, la science, la connaissance du truc. Vina chargeur après le Buenos Aires. Criminel, fuck Robocop. Tire comme Flynn, ça arrache comme Crocop. Pour venir, je mets un 3-4 en croco. On agit, j'ai tout le temps, beaucoup s'accomplit d'armes de guerre. Abrité dans les locaux. Au carré, que des vocaux. Peu de faits, que des vocaux. Abrité près du loco. Mettons du coca. Drogue des Pays-Bas. Consicilien. Moteur allemand. Putain, je suis allemand. Attends que je vienne. Juste, investir. Réinvestir. Et si je résiste à Némésis. Un mort le sang sèche et c'est pessi. Choqueur de la brèche et du récit. Et ramène des glaçons. Escaille la boisson. Quatre mauvais garçons. Ta tête, combien ça paye? Ta daronne en caution. Aucune émotion. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. La sueur et des crèmes, des corps sous les draps, tu connais mon rôle. Je vais ramener des millions pour sécher ses larmes sur le blues. Des cicatrices et du charme, et quand ça shine, je suis pas dans les doutes. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Ramène. Aucune émotion. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Ta daronne en caution. Aucune émotion. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. S.O. le S depuis Gomorra, hey. Masqué comme dans V pour Vendetta. Pour le cash on a le flair et l'odorat, hey. Quelqu'un depuis Dev Jam Vendetta. Manchaf, Squadra Azura, l'un, couleur à courage. Tu l'ouragan, Katrina, t'es la bourrasse. On m'équipe comme dans Kengan Ashura. Sur la A7, allemand dans la A7. La prod on la séquestre à 2 pas à 7. Je me fous grâce au lin, au dry et à la 7. 667 OBS, SO à la sec. Corleone, Schneider. J'fume la frappe, j'fume la Schneider. Quand j'écris, tête en feu comme Ghost Rider. Pas de top line, pas de ghostwriter. Donc on a laissé descendre. Touche-nous, tu te fais monter ou tu te fais descendre. Bomba sur les côtés, je fais descendre. Shenzhen connecté comme un télécentre. Flow interdit, j'ai Vlad Palette. Et Suzuku, mais y'a pas que des arbalètes. Audio de pas avec le S, ça cuisine la galette. On sait qu'il y a les manettes, pétasse dans la mallette. Et ramène des glaçons. Pétasse. Escaille la boisson. Quatre mauvais garçons. Ta tête, combien ça paye? Ta daronne en caution. Aucune émotion. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. La sueur et des crèmes, des corps sous les draps, tu connais mon hood. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. Pétasse. Je vais ramener des millions pour sécher ses larmes, serrer les blues. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Amen. Aucune émotion. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. Ta daronne en caution. Aucune émotion. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions. On a les plugs, les clocks, les box et les munitions.